Votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 9 septembre 2010 et je me nomme François Marginin et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Ouf! Alors, nous voilà, nous sommes de retour. Nous commençons officiellement la saison automne-hiver ici. En fait, c'est l'automne. On va y aller mollo, là, laisse faire l'hiver, là. Calme-toi, François, calme-toi. OK, alors, nous commençons officiellement la saison automne. Et puis, nous allons être avec vous jusqu'à Noël, en fait. Alors, voilà. Cette semaine, nous avons quoi au programme? Nous avons du Moyen-Orient. On va parler de Moyen-Orient. On va essayer de couvrir le plus de terrain qu'on peut. J'ai dans mon dossier des nouvelles à propos de l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen, l'Afghanistan, Israël et la Palestine. Ça me surprendrait qu'on réussisse à tout couvrir ça. Mais en tout cas, on va faire notre grand possible. Et j'ai un dossier spécial. On va parler du recrutement militaire dans les écoles. Ces chers militaires qui viennent recruter nos enfants. Qui viennent leur laver le cerveau en plein milieu écolier alors que les gens ne savent pas, les parents bien souvent ne sont même pas avertis. Alors ça c'est un dossier particulier dont je vais traiter cette semaine et puis on va faire le tour aussi de l'actualité mondiale, ce qui devrait toucher un peu aussi. On va toucher un petit peu à l'économie, on va toucher à des petits dossiers spéciaux comme le 9-1. Alors vous savez, cette semaine ça va être... ça va être l'anniversaire, le 9e anniversaire des événements du 11 septembre 2001 qui se sont produits aux États-Unis. Alors, on va souligner un peu ça en vous poussant un peu d'informations par rapport à ce dossier-là. Alors, vous savez, ce truc-là, on ne va jamais le laisser tomber tant que la vérité ne sera pas acceptée et rendue publique autant par le gouvernement que les médias. Les médias, ces salauds qui ne vous rapportent pas encore la vérité à propos de sujets aussi importants que ça, aussi importants que le H1N1, on ne vous a jamais rapporté la vérité là-dessus, on ne vous a jamais rapporté la vérité sur le 9-1, jamais rapporté la vérité sur ce qui se passe dans le dossier de BP. Alors, vous n'avez entendu parler les deux dernières semaines. On va tenir ce mort pour cette semaine, mais quand même, je vais porter à votre attention la deuxième partie que j'ai publiée qui s'appelle « L'incroyable arnaque de BP ». Deuxième partie, les multiples puits, conséquences océaniques et climatiques. Pourquoi conséquences océaniques et climatiques? Ben, parce qu'on est en train de parler du fait que il est possible que le Gulf Stream soit en train de d'arrêter, de disparaître, et puis cela aurait des conséquences assez importantes sur le climat. Donc, ça va rester à voir si ça va se développer directement dans ce sens-là, mais il y a des indices assez importants qui nous permettent de croire que déjà ce fameux Gulf Stream qui influence le climat, autant sur la côte est atlantique de l'Amérique et la côte ouest de l'Europe. Alors, oui, ça influence le climat-là de façon importante. Et puis, si ce courant-là se modifie, ben attention, mesdames et messieurs, nous risquons de voir des conséquences sur le climat. Et d'ailleurs, on commence déjà à en voir, c'est à savoir si c'est relié à ça ou pas. Moi, j'ai tendance à penser que oui. Vous avez des nouvelles assez surprenantes qui sont sorties cette semaine, allant dans le sens que, vous savez, en Russie, on a connu des vagues de chaleur assez incroyables cet été, de canicules assez claquantes. Et puis là, ben, badaboum, bidibim, cette semaine, qu'est-ce qu'on entend parler? Ben, oh, de la neige en Russie, de la neige, ben oui, et aussi en Norvège. Alors, vous savez que, bon, la Norvège, c'est quand même un pays qui a tendance à être assez froid. L'automne a tendance aussi à apparaître assez tôt, plutôt que dans nos pays qui sont plus au sud. Je parle ici dans le coin de Montréal et peut-être en France. Sauf que là, écoutez, on est quand même surpris par une neige très précoce en Norvège et en Russie. En Norvège, écoutez, je regarde la photo directement en face de moi, là. On voit au moins, je crois que c'est 10, 15, peut-être même 20 cm de neige qui sont tombés en Norvège. Alors, voyez. Des signes de neige qui est assez précoce et on a eu des températures records à la baisse. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des si très encourageant. C'est pour dans la région de Los Angeles. Alors, vous voyez, et ce n'est pas seulement que là, vous avez des milliers, en fait, c'est des millions d'animaux. Je crois que c'est un point quelques millions. Je ne vais pas dire des millions, là. Je vais être assez conservateur, mais allez voir les chiffres exactement. Vous avez au moins, en tout cas, un point quelques millions d'animaux qui sont morts en Amérique du Sud. Je crois que c'est au Chili. Des vagues de froid assez intenses qui ont saisi ces pays-là. Faut quand même prendre en facteur, en conséquence, le fait que c'est une année de El Niño. Alors, El Niño, c'est des courants d'eau dans l'océanique, en fait, qui sont très froids et qui influencent le climat à la baisse. Mais bon, ça a été quand même assez répandu, ces températures froides à travers le globe au complet. Vous avez même ici en Angleterre, on dit qu'on a eu le mois d'août le plus froid depuis 17 ans. Alors, ça aussi, là, c'est des indices qui montrent que le climat se refroidit. On a aussi des nouvelles. Ici, on parle de la Suède, où il a fait froid. Alors, vous avez toutes sortes là, de nouvelles comme ça là, qui montrent que l'automne risque de continuer à être très froid pour plusieurs pays. Alors, regardez ça et tenez ça très proche de votre conscience parce que ça va être des petits points je dirais, connectés. Okay? Donc, allez voir ça. Vous avez aussi des scientifiques qui ont été forcés de reviser, de revoir à la baisse leur projection des glaces qui étaient pour fondre. Alors, en fait, c'est plutôt le contraire, c'est qu'ils vont être en train de rencontrer des records d'épaisseur de glace dans l'Arctique. Alors, on essaie tout le temps de vous faire peur avec ça, de dire, ouh, les glaces s'y fondent, et puis là, les ours polaires vont tout mourir. Eh ben oui. La population des ours polaires a quintuplé. Alors, quintuplé les populations d'ours polaires depuis les 30 dernières années, hein, alors qu'on on fait pleurer avec les ours polaires. Les ours polaires vont très bien, chers amis. Et puis, les épaisseurs de glace, les quantités de glace en Arctique sont en train de revenir à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis des décennies, OK? Alors, ne vous faites pas avoir aussi par cette fameuse campagne de peur de terrorisation de l'humanité. En vous disant que vous êtes responsable du réchauffement climatique, surtout que là, on a un refroidissement climatique depuis une dizaine d'années. Ça a même été admis par Phil Jones, l'ancien directeur de East Anglia, alors qu'il fournit les chiffres, la majorité des chiffres du GIEC. Alors, vous savez, c'est trop. Bon, OK, j'étais pour dire, c'est trop du. Puis là, ben, trop petit point de suspension. On va rester ici, là, dans un langage acceptable sur l'autre monde. Ces gens-là qui essayent de vous manipuler, de vous faire peur en vous disant que vous êtes responsable du réchauffement climatique, puis là, séparé de ça, le dossier de la pollution, c'est une autre affaire, là. Ça veut pas dire qu'il faut continuer à polluer, puis tout, blablabla. Sauf que vous n'êtes pas responsable avec votre CO2 du réchauffement climatique, là, chers amis. C'est le contraire. En fait, le CO2 est très bon, et puis il faut séparer ça du monoxyde de carbone, qui est un autre polluant. Le CO2, ce n'est pas un polluant. Vous n'êtes pas responsable du réchauffement climatique, OK? Donc, enlevez-vous ça de la tête. La planète est en fait en train de se refroidir. Et ça va tellement pas bien en Russie, d'ailleurs, que la Russie a banni les exportations de blé. OK? Donc, ça aussi, c'est des affaires qui risquent d'influencer sur le prix de la nourriture à la hausse cet automne. Alors, regardez ça aussi. C'est assez important. Et puis, les médias commencent, très frileux, mais commencent tranquillement à comprendre que tout ça est une. Écoutez, là, une fraude incroyable. Je veux dire, quand je parlais des médias qui ne vous rapportent pas la vérité à propos des fraudes les plus importantes de nos temps, quand je parle du H1N1, de BP, du 9-1, ben là, le réchauffement climatique causé par l'homme, ça n'est une autre, une fraude totale incroyable qui a été mise en place depuis une trentaine d'années par des groupes comme le Club de Rome, comme des personnes comme Al Gore, Maurice Strong, la gang de Rockefeller, les compagnies pétrolières. Hein, on accusait bien souvent les gens qui critiquaient le réchauffement climatique d'être liés avec les compagnies pétrolières, alors que ce sont les compagnies pétrolières qui ont financé à bien plus grande mesure cette fausse théorie du réchauffement climatique causé par l'homme. Vous savez que les réchauffements climatiques et les refroidissements climatiques sont cycliques, sont étroitement liés avec les phases du soleil. Alors, vous avez le soleil qui est en plus grande activité, en moins grande activité, selon différentes périodes, et puis ça a l'influence sur le nombre de rayons cosmiques qui bombardent la planète. Et c'est ça aussi qui crée la formation de nuages sur la planète. Et puis, ces nuages-là influencent énormément sur le climat, sur la température sur la planète. Et vous savez, les vapeurs d'eau, la vapeur d'eau, chers auditeurs, est responsable pour 95% des effets de serre sur la planète Terre, OK? Alors que le CO2 est responsable d'une affaire comme 1 à 2%. Le méthane est un gaz qui a beaucoup plus d'influence, et le méthane qui est relâché en quantité incroyable par ce volcan que BP a créé dans le golfe du Mexique. Mais ça, on ne vous parle pas de ça. On vous parle pas de ça. On est bien trop occupé à vous rendre coupable, à vous faire sentir coupable de ces choses-là, à vous imposer des fausses taxes, des taxes qui vont absolument rien changer sur les changements climatiques, OK? Alors, ben voilà, quoi. C'est toutes sortes de trucs comme ça qu'il faut mettre en ordre ici. Puis c'est pour ça que vous êtes à l'écoute de l'autre monde. C'est pour ça que les médias alternatifs sont en hausse et que les médias traditionnels sont à la baisse. Alors, voyez, c'est des choses, chers amis, qu'il faut avoir à la tête. Parlant des médias, écoutez, les médias, ces fameux médias à la con qui ont tellement de la misère à vous rapporter la vérité. Écoutez, vous avez ici des nouvelles encore dans les. Excusez-moi, là, tu sais, je veux dire, je rentre dans les médias, mais c'est parce que ces gens-là ne sont pas capables de faire leur job. Hein, ils ne sont pas capables de faire leur travail. Et puis, c'est pour ça que les gens sont si mal informés. Donc, après ça, on se demande pourquoi que les gens ils ont de la misère à savoir ce qui se passe. Ben, pourquoi? Ben, parce que ces fameux médias-là, en majorité, c'est des médias corporatifs, sont financés par les corporations, ils visent les profits seulement. Et vous avez aussi, évidemment, ces compagnies médiatiques qui reçoivent leur financement d'annonceurs publicitaires, OK? Donc, ces annonceurs publicitaires-là n'ont pas intérêt à ce que vous sachiez la vérité. Pourquoi? Ben parce que, vous savez, c'est déjà arrivé dans le passé où vous aviez des journalistes qui essayaient de faire un travail, à savoir pourquoi que les voitures, bon, avaient, cette voiture-là avait tel problème, ou ben non, vous aviez, je me rappelle, un exemple d'article qui voulait être publié, des journalistes qui voulaient publier des articles dans des journaux sur comment négocier une voiture, négocier le prix d'une voiture. Et puis là, ben, vous savez que les plus grands annonceurs dans les médias, c'est justement les grandes compagnies d'automobiles. OK? Donc, vous savez que ces compagnies-là publient de nombreuses pages dans les médias, autant que les magazines. Et puis, après ça, ben, ils ont menacé ces compagnies médiatiques-là d'arrêter de publier de tels articles. Hey, voyons donc comment négocier une voiture. Allez pas éduquer les gens à savoir comment négocier le prix d'une voiture. Si vous faites ça, nous autres, on arrête toute publicité dans vos journaux. Et puis, vous savez que c'est des millions de dollars là, qui rentrent. Et puis, ce n'est qu'un exemple, OK? Donc, si vous voulez aller discuter de Big Pharma qui hein, les compagnies pharmaceutiques qui tuent aux États-Unis 100 000 personnes. L'année passée, c'est 200 000 personnes, OK? Donc, moi, je suis bien conservateur ici. J'essaie pas de faire du sensationnalisme et puis essayer de vous faire paniquer avec ça, là. Moi, quand je vous dis 100 000 personnes, 100 000 Américains qui meurent aux États-Unis à cause des médicaments, des compagnies pharmaceutiques qui sont administrés en milieu hospitalier par des médecins en suivant les posologies, alors tout ce qu'il y a de plus by the book. Si vous avez dans les journaux commencé à discuter de ça, de dire comment que ces compagnies-là tuent de 5 à 10 fois plus d'Américains que les drogues dures illégales, okay? Les drogues dures illégales aux États-Unis tuent entre 11 000 et 20 000 personnes, alors que les médicaments des compagnies pharmaceutiques en tuent 100 000. L'année passée, c'était 200 000. Eh bien là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben là, les compagnies vont dire, écoutez, nous autres, on arrête la publicité, c'est pas bon pour nous autres, c'est nous autres qui te financent, puis après ça, tu nous rentres dedans. Eh bien, vous comprenez après ça pourquoi les médias ont de la misère à faire sortir la vérité. OK? Alors, vous avez le USA Today aux États-Unis qui va réorganiser ses opérations, et puis on va mettre à la porte 9% de sa force de travail. OK? Alors, vous comprenez pourquoi que là, ces médias-là sont en chute libre. Vous avez ABC News qui va couper plus de la moitié de ses correspondants à la maison sur son territoire aux États-Unis. Vous voyez, donc, bing bang, on coupe dans les bureaux les correspondants. Vous savez, la BBC, le directeur général Mark Thompson, qui a admis avoir eu un massif penchant vers la gauche. Alors, vous voyez que ça, c'est le directeur de la BBC, OK? Alors, on vous dit que la BBC avait un massif penchant vers la gauche. Alors, que ce soit un penchant pour la droite ou un penchant pour la gauche, la réalité, c'est écoutez, là, je veux dire, on est biaisé au maximum, c'est incroyable. Faut arrêter de se compter des mensonges, là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable puis voir la réalité pour ce qu'elle est. Les médias de masse, les médias traditionnels sont lourdement biaisés et ils ne vous rapportent pas la vérité. OK? Donc, d'autres nouvelles à consulter comme ça bon, écoutez, là, je veux dire, ça vous dit la vérité, ça vous dit ce qui se passe. Alright? On va faire une petite parenthèse économie, voir les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et si on annonce les trois grandes prochaines vagues aux États-Unis de taxation, alors Obama qui a, dans une nouvelle cette semaine, déclaré que, hey, il faut remettre la classe moyenne sur les rails. Ben oui, hein, il faut donner de l'expansion. Il faut faire en sorte que la classe moyenne recommence à fleurir, hein? Donc, Obama a promis de dépenser, je crois que c'est 50 milliards de dollars pour essayer de faire en sorte que la classe moyenne se remette sur les rails. Monsieur Obama qui va sauver l'économie, hein, bien sûr, a sauvé l'économie des grands banquiers, a sauvé l'économie des grands financiers de Wall Street, a donné des milliards de dollars de plus au Pentagone et au secteur militaire. Vous savez, en parlant de ce secteur militaire, il y a une chose que j'avais oublié de dire par rapport au réchauffement climatique, c'est que vous, hein, on vous rend coupable, on veut vous taxer pour dépenser, pour en fait, pour produire du supposé CO2 qui est supposé être un polluant, alors que dans tous les traités internationaux, comme les traités de Kyoto et puis les traités qu'on essaye de signer comme. C'est quoi le dernier qu'on a eu? C'était où? À Copenhague. Hein? Je veux dire, on essaye de faire en sorte que tous les pays, tous les citoyens, le peuple soient pris dans des genres de contrats, dans des genres de traités contraignants où on est en train de réguler votre vie de tous les jours, vous dire quel bulbe, quelle lumière, quel ci, quel ça vous devez consommer, alors que vous avez le plus grand consommateur de pétrole au monde qui est exclu de ces traités-là. Et qui est ce plus grand consommateur de pétrole au monde? Pam, parapam, pam. Le Pentagone. Le Pentagone, l'armée US, l'armée américaine. L'armée américaine est le plus grand consommateur de pétrole au monde, qui d'ailleurs s'abreuve à des gens, à des compagnies comme BP. Et puis ces gens-là sont exclus de ces traités-là. Hey, fair enough. C'est fantastique de voir ça, comment que les choses sont bien équilibrées, comment que tout est juste. Alors, là, je fais réfléchir un peu par rapport à ça. Et puis là, ben, comme c'est ça, écoutez, comme je vous disais, la classe moyenne est en train de fondre, est en train de disparaître. Obama, d'un côté, vous dit, hey, il faut sauver cette classe moyenne-là. On est en train de s'apercevoir que c'est la classe moyenne qui tient à flot l'économie. Pendant ce temps-là, ben, Écoutez, on exporte l'ouvrage, les emplois manufacturés à l'extérieur du pays. Hein? Donc, on ne sait pas comment qu'Obama va faire en sorte pour faire en sorte de créer des nouvelles jobs, mais on va avoir bien la misère si les emplois manufacturiers soient exportés de façon constante à l'extérieur du pays. Et puis, d'un autre côté, Obama dit, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous imposer trois vagues de nouvelles taxations ou d'augmentation des taxes qui sont déjà présentes. Et attention, quand on dit trois vagues, je vous invite à voir l'article parce que je ne peux pas vous les résumer toutes ici, là. C'est trois vagues massives d'augmentation et de création de nouvelles taxes qui vont fouetter la classe moyenne, qui vont fouetter les Américains et qui vont venir les appauvrir de façon massive. Alors, Obama, d'un côté, va investir des milliards de dollars pour essayer de raviver cette classe moyenne et d'un autre côté, claw! On va te la ramasser d'une shot incroyable l'année prochaine en trois vagues successives. Et puis, c'est comme ça qu'on va les récupérer de l'autre main. Alors, on vous donne de l'argent d'une main, puis on va la rattraper de l'autre main. Et probablement que ça va être encore plus. Hein, les taxes vont saigner encore plus que ce qu'on va leur donner. Donc, ça, c'est un. Écoutez, il n'y a rien de nouveau là-dessus, là. Hein, je veux dire, on fait tout le temps ça. Hein, les nouveaux budgets, que ce soit au Québec, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, nommez-les. À toutes les fois qu'on vous dit, hey, on va donner de l'argent, on va donner de l'argent. Ben oui, on va investir ici, on va augmenter de l'argent dans les secteurs publics, blablabla. Clac! D'un autre côté, après ça, on vient vous saigner puis rattraper cet argent-là. Alors finalement, vous ne la voyez jamais. Hein? Vous ne voyez jamais la couleur de cet argent-là. C'est tout le temps le gouvernement qui vous crée des petits tours de magie. Donc, voilà pour les illusionnistes, les maîtres illusionnistes de nos temps. Vous avez les dépenses dans la construction aux États-Unis qui ont tombé deux fois plus que ce qu'on avait prévu au mois de juillet. Alors, vous voyez l'économie qui est en train de s'arrêter, qui est en train de réellement là, de mordre la poussière, de tomber, de piquer du nez. Donc, ça, c'est de quoi qui est assez incroyable. Et vous devez comprendre qu'on n'est pas en récession aux États-Unis, mais qu'on est en train de voir sous nos yeux une dépression prendre forme, autant aux États-Unis qu'au niveau planétaire. Donc, ça, c'est de quoi aussi être conscient. Il faut être conscient de ça. Bon, on parle ici d'une deuxième vague, d'une crise bancaire qui risque de continuer à s'aggraver aux États-Unis autant en 2010 qui devrait se poursuivre en 2011 et 2012. On parle d'une vague de 1,5 trillion de dollars d'hypothèques qui devraient faire défaut d'ici 2012. 1,5 trillion de dollars. Alors, ça, c'est 1 500 milliards de dollars pour les gens qui n'utilisent pas le terme trillion, mais j'aime pas utiliser billion parce que c'est pas mal mélangeant. En anglais, on dit billion pour les milliards et puis ça, trillion pour les mille de milliards. Alors, moi, j'aime mieux dire, vous avez les millions, les milliards et puis les trillions. OK? Donc, on se comprend? OK. Alors, vous avez notre article ici avec 15 statistiques économiques qui sont à faire friser les cheveux. Alors, vous avez un article, allez voir là-dessus. Qui montre justement que la classe moyenne américaine est en train de fondre, est en train de carrément disparaître. Alors, allez voir ça aussi, je n'ai pas le temps de vous les résumer. C'est juste pour vous dire qu'il y a des indices économiques qui vous montrent que la crise économique est en train de s'aggraver, sont présents partout, sont tapissés sur toutes les murs. Il faut quasiment être aveugle pour ne pas les voir. En Illinois, je parle beaucoup des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est pas mal le cœur de l'économie mondiale, OK? Donc, ce qui se passe aux États-Unis est en train de se passer à travers le monde. Donc, c'est un signe. C'est des signes très importants. Je parlerai pas de l'économie du Zimbabwe, là. Je veux dire, c'est pas ça qui influence bien gros l'économie mondiale. On sait que l'économie mondiale est pas mal influencée par ce qui se passe aux États-Unis et par ces fameux dollars américains qui circulent partout. OK? Alors, vous savez qu'en Europe, ça va pas bien. Vous avez ces fameuses mesures d'austérité qui sont en train de foudroyer un paquet de pays en Europe. La Grèce qui est sur le bord d'une révolte totale. Je veux dire, on est en train d'asphyxier les gens avec ça. Les mesures d'austérité, faites-moi rire, les mesures d'austérité, je veux dire, on fonctionne avec un système qui fonctionne, un système bancaire, un système économique qui fonctionne sur la dette. Okay? C'est un peu un système en pyramide, un système de Ponzi, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis après ça, on se demande pourquoi que tout ce truc-là est en train de s'effondrer. Ben écoutez, c'est pas compliqué, ce système-là fonctionne sur la dette. Alors, pour que le système continue à fonctionner, il faut créer de plus en plus de dettes dans le système. Alors, quand les gens arrêtent de s'endetter, comme c'est le cas en ce moment, ben le système s'écroule. Alors, comment que ces gens-là nous proposent de sauver ce système-là? Ben, c'est en créant plus de dettes. Wow! Je veux dire, bravo pour la logique de ces gens-là, mais c'est vraiment ça qu'on vous propose, OK? Alors, vous avez des États aux États-Unis qui sont littéralement en train de faire banqueroute. Vous avez en Illinois, un État qui ne sont même pas capables de payer pour l'électricité, OK? Alors, on a de la misère à payer pour l'électricité, on a de la misère à payer pour les factures de téléphone. Et ben on est rendu là, je veux dire, on est rendu là. On est rendu à des points, à un point où on n'est même pas capable de payer. Vous avez des États qui sont plus capables de payer pour leurs propres dépenses. Aux États-Unis, on a perdu 54 000 emplois au mois d'août. Et vous avez ici plus, on prévoit en fait plus de 400 banques qui vont faire faillite d'ici la fin de l'année, selon Roubini. Donc, c'est un éditeur senior des nouvelles CNBC qui rapporte ça. C'est assez critique, OK, quand on commence à avoir des banques qui font faillite comme ça par centaines. Et c'est ce qui termine le dossier actuel de l'économie, OK. Vous savez, j'ai plusieurs auditeurs qui m'écrivent et me disent qu'ils sont contents que l'émission existe. Ils espèrent que ça continue pendant longtemps. On m'encourage. Je suis bien content. Évidemment que c'est mon chèque de paye, ça. Je fais ça bénévolement. Je ne suis pas payé pour faire ce que je fais. La seule affaire, ma seule récompense, c'est de voir les gens qui sont plus intelligents, les gens qui sont mieux informés. Pour moi, c'est la seule façon qu'on peut arrêter de se faire manipuler, puis qu'on peut avoir une chance dans cette fameuse game qu'on vit en ce moment, cette fameuse joute, qui est, je dirais, une course entre la classe super riche, ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, appelez-le comme vous voulez, la fameuse élite mondiale qui essaie de créer une gouvernance mondiale, et le reste de la population mondiale, nous. C'est notre seule chance qui nous reste, c'est-à-dire d'être bien informé, de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que, à mon opinion, la seule chose qui peut nous sauver en ce moment, c'est de savoir c'est quoi leur plan, savoir ce qui se passe, c'est quoi l'agenda, c'est quoi qui se passe pour qu'on arrête de se faire manipuler. Parce que, à mon avis, si on met à jour, si on expose ce qui se passe, qui sont les grands joueurs, quels sont je dirais quel est le plan de match, OK? Quel est l'agenda de ces gens-là? La partie va être terminée pour eux autres. Et puis, déjà, ça va pas très bien. Puis, c'est pour ça qu'on les voit accélérer le pas. Et vous devez comprendre que dans ces temps d'imposture, disait George Orwell, dans ces temps où le mensonge est tellement répandu que c'est rendu finalement quasiment. Écoutez, c'est partout. Le mensonge est partout. On est entouré de mensonges. Je veux dire, tout le monde nous ment. Le mensonge est quasiment rendu normal. Et George Orwell disait qu'en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je suis content que vous me remerciez, je suis content que vous m'envoyez ces courriels-là, mais ne vous arrêtez pas là, OK? Ne vous arrêtez pas là. Ne faites pas d'une personne, d'un autre, de moi, de peu importe, ne faites pas de personne un héros, un sauveur. Attendez pas que personne vienne vous sauver. OK? Si je fais ce que je fais, c'est juste parce que je crois qu'on peut avoir un futur meilleur. Je crois en la nature humaine. Je crois qu'on peut s'en sortir. Je crois qu'on peut faire bien meilleur que ça. Mais sauf qu'il faut se mettre en action, chers auditeurs. C'est pas pour rien que je vous dis dans le sobriquet à chaque début d'émission, je vous dis l'important, c'est de se mettre en action. C'est de croire qu'il y a un autre monde possible. C'est pour ça que l'émission s'appelle L'autre monde. C'est que oui, on est l'autre monde. Pas dans le futur, là, en ce moment, je veux dire, c'est nous autres, l'autre monde. Vous avez la gang de sans-dessin, de psychopathes, de requins, de malades mentales qui pensent qu'eux autres, ils peuvent gouverner la planète au complet avec leur plan d'eugénisme, des darwinistes sociaux, des ingénieurs sociaux qui pensent qu'ils peuvent organiser la planète comme qu'ils peuvent éliminer le 4/5 de la population mondiale. J'ai un autre speech ici de Rockefeller où c'est qu'on nous expose directement dans notre face. Il faut que la population soit réduite. Vous avez les malades mentales de Bill et puis Melinda Gates avec leur fondation qui veulent distribuer des vaccins à travers la planète pour réduire la population mondiale, stériliser la population. Je veux dire, c'est pas des histoires de conspirationnistes, là. Je veux dire, ces documents-là existent. Vous avez des speeches, vous avez ces personnes-là même qui parlent directement dans votre face. OK? Je veux dire, j'avais écrit un article sur les sites du Québec, puis sans papier, puis les nouvelles internationales, où j'avais intitulé l'article Le Nouvel Ordre mondial s'affiche publiquement. Allez voir, je veux dire, vous avez au-dessus d'une vingtaine de citations de journaux aussi importants que The Financial Times, OK? Vous avez ABC, CNBC, vous avez Ted Turner, vous avez la clique, ils appellent ça le Club des riches. Ces gens-là se rencontrent, on discute de réduction de la population mondiale, de gouvernance globale, de nouvel ordre mondial, qui vient directement de leur bouche. OK? Ce n'est pas une histoire d'être conspirationniste, c'est une histoire de rapporter les conspirations qui sont documentés, qui sont factuels. Ok, je parle pas de rien d'autre, moi, d'inventer, d'imaginaire, de farfelu ou de quoi que ce soit là. Moi, ce que je vous rapporte ici sur l'émission, c'est documenté. Puis vous allez sur les nouvelles internationales à chaque semaine, vous allez trouver les documents. Ok, donc les gens qui disent, hey, waouh, il capote ce gars-là, un autre conspirationniste, il y a la conspirationnite facile. Des fois, j'ai des commentaires de même, ça me fait rire. C'est incroyable, je veux dire. Tu sais, vous dites aux gens, regarde le document, c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit par telle personne, clac, tu peux aller voir, ça a été produit, écrit par eux autres, va le voir. Les gens sont même pas, ont même pas l'honnêteté intellectuelle d'aller voir par eux-mêmes, d'aller vérifier. Ils disent, oh non, non, non, ça n'existe pas, tu es un conspirationniste, tu es malade mental, va prendre tes pilules. Je veux dire, il y a des gens que c'est des connards, des peureux. Des gens qui sont d'une très pauvre intégrité intellectuelle, qui ne sont même pas capables de faire l'effort d'aller vérifier par eux-mêmes. Tout ce que je rapporte ici sur l'émission est documenté, OK? Documenté, c'est des faits. Moi, tout ce que je fais, c'est vous les passer ces faits-là. C'est pour ça que moi, un jour, je me suis mis en action, j'ai décidé de faire ce que je peux, et puis ce que je peux, ben, je suis en train de le faire. Faites ce que vous pouvez, chers auditeurs, faites ce que vous pouvez. La semaine passée, je vous demandais de passer le mot à propos de l'émission. C'est ça que vous pouvez faire. Faites-le. Imprimez des feuilles, puis distribuez-les. Regardez l'émission. Regardez, va écouter ça. Parlez-en à votre famille. Si c'est pas ça que vous voulez faire, ben écrivez des articles dans les journaux. Si c'est pas ça que vous voulez faire, partez un site web. Si c'est pas ça que vous voulez faire, parlez à vos amis. Partez des clubs de discussion. Si c'est pas ça que vous voulez faire, ben, faites d'autres choses. Mais faites de quoi? Passez à l'action. La première chose, c'est d'y croire. De comprendre qu'on peut faire de quoi, puis après ça, c'est qu'on passe à l'action. OK? Donc, ça, c'est important, puis je voulais vous en parler, parce que justement, comme je disais, dans ces temps d'imposture universelle, dire la vérité, c'est un acte révolutionnaire. Pourquoi? Parce que je dis, là, les gens, ils se mettent les mains sur les oreilles, ils disent, oh mon Dieu, c'est incroyable ce qu'ils viennent de dire, oh, yeah, ça n'a pas d'allure, c'est un malade mental, après ça, ces gens-là se font tirer. Je veux dire, regardez combien il y a eu de prophètes, comment il y a eu de personnes qui ont voulu vous rapporter la vérité. Encore aujourd'hui, on parlait du dossier de Matt Simons, le gars qui vous dit que, hey, il y a une autre puits qui fuit, puis tout, attends, parle, le gars, 4 jours plus tard, il est retrouvé mort dans son jacuzzi. Ça continue d'arriver de nos jours, OK? Je veux dire, vous avez cet autre, certain monsieur Gary, c'était quoi son nom, lui? Mon Dieu, j'ai oublié son nom, vous savez. Un journaliste du Mercury Sun, du Mercury, je pense, le journal, en tout cas, un journal sur la côte ouest américaine qui a sorti un dossier incroyable sur la CIA qui disait que c'est eux autres qui importent le crack et la cocaïne aux États-Unis. Pouf, le gars, il est retrouvé apparemment suicidé, tu sais, dans sa chambre d'hôtel avec une coupe de balle dans la tête. Tu sais, le gars, il a eu le temps de se tirer une coupe de balle. Ben oui. Tu sais, ça arrive encore de nos jours, ça, chers auditeurs, parce qu'il y en a qui décident de s'ouvrir la gueule, ils décident de vous dire la vérité, puis les gens n'écoutent pas. Après ça, ces gens-là se font tirer une balle dans la tête, puis ils se font éliminer. Écoutez, là, à un moment donné, il faut que tout le monde se mette ensemble. Je veux dire, qu'est-ce que ça donne d'attendre un sauveur ou un héros qui va venir vous sauver? Ça donne rien. Attendez, arrêtez d'attendre que Superman va venir vous sauver. OK? Il faut que toute la population se mette derrière. Je veux dire, la vérité, se mettre derrière, se mettre sur le chemin de savoir ce qui se passe. Il faut que la population au complet se mette ensemble. Comme ça, les élites internationales ne pourront pas rien faire. C'est comme ça qu'ils ne pourront pas rien faire. C'est sûr que vous avez été un gars qui se lève debout, commence à crier la vérité. C'est même trop facile à faucher. Zap, tu fais disparaître le gars, c'est fini. Mais là, vous avez des millions de personnes, des dizaines de millions. Si vous avez des milliards de personnes qui savent ce qui se passe, mais là, ça devient un peu plus gênant, hein? Ça devient un peu plus difficile pour cette élite de psychopathes, de malades mentales, d'arrêter ça. Comprenez-vous? C'est ça qui est important. Puis c'est pas plus important qu'ils commencent à être tard pour le faire. Je veux dire, on commence à arriver à la dernière heure. Donc, Donc voilà. Alors, petit dossier rapide, et puis on va faire une petite pause. Vous savez, les tremblements de terre, écoutez, ça brasse pas mal, pas juste un tremblement de terre, les volcans. Vous avez un volcan en Indonésie qui vient de faire éruption encore. En fait, c'est pas un petit volcan qu'on parle ici, c'est un volcan qui était dormant, inactif depuis 400 ans, qui vient de se réveiller en Indonésie. On appelle ça le mont Sinabung. Et écoutez, là, le volcan vient de cracher jusqu'à 5 km dans les airs, de la cendre, et puis ce volcan-là se retrouve à être proche d'un super volcan. Ça, c'est sur l'île de Sumatra, dans le nord de l'île, OK, qui se retrouve à être proche d'un super volcan qui a fait éruption. Je crois que c'est il y a une affaire comme 16 000 ans ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et puis, vous savez, ces super volcans-là, quand ça fait éruption, eh bien, ça l'entraîne des extinctions de masse, OK? Où on parle, où vous avez des millions d'espèces sur la Terre qui en souffrent, et il y en a plusieurs qui disparaissent. Alors, vous avez ce genre d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Et c'est assez important là, de voir ce qui se passe. Après ça, vous avez en Nouvelle-Zélande un autre super tremblement de terre qui vient d'arriver. Un tremblement de terre tellement puissant qui vient d'ouvrir une nouvelle faille. Imaginez une nouvelle faille dans le monde. Et vous avez une partie de la Nouvelle-Zélande qui vient de bouger de quelques mètres. Alors, on parle de 3-4 mètres. Okay? Donc, vous avez une nouvelle ici du Daily Mail. Allez voir par rapport à ça. Plusieurs événements massifs qui sont en train de se passer comme ça autour de la planète, qui commence à présager que de quoi d'assez spécial rien de se passer. On parle de réalignement des plaques tectoniques ici, des plaques tectoniques qui sont en train de se réarranger autour de la planète. Et puis, ça entraîne des volcans, évidemment, et à d'autres places, des tremblements de terre très massifs. Et puis, bon, on sait que des tremblements de terre, il y en a tout le temps. Mais là, vous avez, en 2010, vous avez un graphique ici à les trouver. Écoutez, là, des tremblements de terre au-dessus de 7, là. On parle des tremblements de terre au-dessus de 7 sur l'échelle de Richter. Et vous en avez deux au mois de janvier, un dans les îles Salomon, un dans la région d'Haïti, on se rappelle de ça. En février, vous en avez eu deux au Japon, un au Japon puis un en Chili, donc deux au mois de février. Normalement, des gros tremblements de terre au-dessus de 7, là, sur l'échelle de Richter, là, on en a environ un à tous les 2 mois. Là, vous en avez deux à tous les mois, OK? Au mois de mars, c'est rien passé. Au mois d'avril, en Californie, vous en avez un de 7,2. Ensuite, vous en avez eu, en fait, c'est pas en Californie, c'est au Mexique. C'est Baja California. Ensuite, en Indonésie, vous en avez un sur l'île de Sumatra de 7,8. Ensuite, au mois de mai, vous en avez un sur Vanuatu de 7,1. Après ça, dans les îles Nicobar, dans la région de l'Inde, vous en avez un de 7,5. En Indonésie, de 7. Ça, c'est au mois de juin. Juillet, vous en avez eu deux. Un en Nouvelle-Guinée, puis un aux Philippines. De 7,3 puis l'autre de 7,6. Après ça, au mois d'août, on a eu 3. Un de 7 encore en Nouvelle-Guinée. Après ça, Vanuatu de 7,3 puis de 7,1 en Équateur. Et là, ben, au mois de septembre, ben, vous venez d'avoir un de 7,0 sur l'île de la Nouvelle-Zélande. Alors, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez là que ça aussi, là, ça présage que les choses, j'en avais parlé même, hein, ça fait quelques mois, je l'avais dit que c'était pour continuer de s'amplifier. Vous savez, vous ne racontez pas des niaiseries, ça. En tout cas, j'essaie, hein, j'essaie. Donc, ça continue de brasser, et puis comme je vous dis, c'est un réalignement des plaques tectoniques qui est en train de se passer. Sauf que, il y a quelque chose qui est assez un peu inquiétant, en tout cas. J'ai de la misère encore à croire ça, là. Donc, je vous dis ça vraiment, là, en parenthèse, entre guillemets, puis vraiment, c'est rien d'officiel, là. C'est pas prouvable encore. Sauf qu'il y a peut-être de quoi à considérer. Vous savez, ce projet du CERN, CERN, ce fameux projet qui chevauche la France et la Suisse, si je me rappelle bien, dans lequel on fait smasher des fines particules pour essayer de voir comment que l'univers est né. On craignait que ces fameuses expérimentations scientifiques-là créent des mini-trous noirs et puis ça avait inquiété pas mal de personnes autour de la planète et vous avez les scientifiques, ils ont ri de ça, ben non, voyons donc, ça peut pas arriver, même si ça arrive, ils vont disparaître puis tout. Et puis j'ai un article ici, un peu inquiétant, comme je vous dis, là, prenez ça avec un grain de sel, là, il n'y a rien d'officiel là-dessus, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais j'aime quand même ouvrir une porte dans votre esprit, à savoir que c'est peut-être des petites niaiseries comme ça qui font que ces tremblements de terre-là arrivent. Pourquoi? Parce que dans l'article que je vous mets en ligne cette semaine, dans lequel on parle justement de la magnitude de ces tremblements de terre et la quantité qu'on en a cette année, depuis d'ailleurs qu'on a mis en action, on a mis en fonction ce fameux smasher de petites fines particules. On a ces fameux gros tremblements de terre. Et puis, y a-t-il un lien entre les deux? Je pense que c'est pas mal prématuré puis difficile de dire que oui ou non. Sauf que, comme je vous dis, c'est peut-être intéressant d'avoir ça à l'esprit, dans le sens que si vous allez ouvrir cet article-là, vous allez voir que les gros tremblements de terre qu'on a eus jusqu'à date, et puis même les gros volcans qui ont fait éruption, sont à angle droit par rapport au méridien qui traverse le CERN. Et puis, même en Nouvelle-Zélande, si on laissait tomber une balle à travers la planète Terre, qui passait au travers de la planète Terre, on arrive quasiment juste à côté, de la Nouvelle-Zélande, même en calculant la rotation, de la planète. Alors, cette personne-là semble suggérer dans son site web, en réalité, que ces petits trous noirs qui sont créés dans le laboratoire du CERN s'échappent. Et puis, certains partent carrément dans l'espace, mais certains vont rebondir dans l'atmosphère et puis créer des phénomènes assez spéciaux dans l'atmosphère. Et puis, d'autres coulent dans la planète Terre et créent des phénomènes assez bizarres comme celui qui s'est passé. Très proche, c'est en Amérique centrale, je crois, vous avez carrément un trou dans l'intersection, là, il appelle ça un sinkhole en anglais, là, c'est carrément un trou qui s'est effondré de plusieurs dizaines de mètres, là, un trou quasiment parfait, comme s'il y avait un gros ver qui était venu manger l'intersection, là, puis en creuser ça, carrément 90 degrés dans le sol. Donc, cette personne-là suggère que ces fameux petits trous noirs-là s'échappent et sont en train de manger des parties de la Terre, ou en tout cas de déstabiliser ce qui se passe à l'intérieur, peut-être même le cœur de la planète Terre. Alors là, comme je vous dis, là, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel, mais, justement, mais, trois petits points de suspension. Et si c'était vrai? Alors, je vous laisse là-dessus. On va prendre une petite pause musicale, le temps de se refroidir les neurones, et puis on va revenir après ça avec les nouvelles de l'actualité. Si je ne peux pas rêver plus loin, je refuse de grandir. Si je dois vivre en fermant les poings, je refuse de grandir. Je m'accroche à ce que j'ai sans trop m'aventurer. Si j'ai peur d'être dérangé, en somme, si je dois m'endetter jusqu'au cou, je refuse de grandir. Si je dois toujours faire plus de sous, je refuse de grandir. Si je regarde chaque soir la télé jusqu'à tard dans la nuit. J'existe seulement pour acheter leur saloperie. Si l'on doit tous se ressembler, je refuse de grandir. Se convertir, globaliser, je refuse de grandir. Si je ne peux plus chanter pour rien, par plaisir avec des copains. Si je dois porter des vêtements confectionnés par des enfants. Que je mange détruit la planète, que tout donne le cancer. En fait, moi je Vous êtes de retour à l'autre monde. François Marginal au micro avec vous pour le reste de l'émission. Alors, on parlait des tremblements de terre. Vous avez d'autres nouvelles ici qui viennent juste de sortir. J'ai regardé ça. Dans la région des îles Fidji, on vient d'avoir un tremblement de terre pas plus tard qu'hier de 6,2. sur l'échelle de Richter. Et puis aujourd'hui même, sur l'île de Vanuatu, vous avez eu un autre tremblement de terre de la même magnitude. Alors, voyez, ça brasse et ça continue. Voilà, il y a un petit dossier spécial ici que je voulais. En fait, ça fait quelques semaines dont je vous en parle, et puis ça continue. C'est vraiment une folie incroyable, cette histoire de la mosquée sur Ground Zero à New York. Alors, on essaie bien gros de faire une histoire avec ça. Les médias s'en donnent à cœur joie. Je vous en parlais la semaine passée. Les médias qui sont contrôlés, les médias corporatifs et qui sont largement contrôlés par. Par des personnes très puissantes, très riches, et ça donne à être aussi, dans bien souvent, bien des cas, des grands conglomérats juifs. Alors, vous devez comprendre que ces gens-là ont un certain biais de la façon qu'ils présentent l'information, et puis on est en train de faire toute une histoire de démonisation, on est en train de diaboliser l'islamisme, et puis l'islamique. Les musulmans, et puis ça continue de plus belle. Et puis là, aux États-Unis, vous devez comprendre aussi ce qui se passe là à l'intérieur même de ce pays-là. Dans les médias, on a une folie en ce moment. Vous avez Terry Jones qui a annoncé qu'il voulait brûler le Coran. Alors, ils vont le 11 septembre, ils vont brûler une petite montagne de livres du Coran, qui sont les livres sacrés. Vous savez, c'est l'équivalent de la Bible pour les musulmans islamiques. Alors, voyez, c'est comment qu'on essaie de créer ce genre de guerre des religions, essayer de faire en sorte que les chrétiens s'en prennent aux musulmans et vice-versa. Alors, ça risque d'être assez rock and roll le 11 septembre 2010. C'est un peu ce qu'un article il nous dit que j'ai trouvé sur Agoravox, que vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Terry Jones veut brûler le Coran. Sinon, nous allons finir comme l'Europe. Alors, vous devez trouver cet article-là ou savoir ce qui se passe aux États-Unis. Et vous avez cette polémique qui a été soulevée par le projet de la grande mosquée près de Ground Zero. Vous avez des fanatiques évangéliques qui ont promis ce jour symbolique d'embrasser le monde musulman. Et puis, vous avez cette église-là qui quoi, elle rassemble même pas que, je pense, une cinquantaine de personnes, c'est quelques douzaines de personnes, tout au plus. Et puis, c'est vraiment une petite affaire, finalement. En réalité, c'est rien de gros. C'est un capoté à quelque part. Je pense que c'est en Floride, aux États-Unis, où ce gars-là veut brûler le Coran. Sauf que vous devrez voir tous les médias commencer à embarquer là-dedans et puis à y donner toute une publicité incroyable sur les grands médias. Ce gars-là est même passé sur la chaîne de CNN. Et ben voilà quoi. Donc, on souhaite brûler le Coran. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez ces évangélistes illuminés qui sont aussi supportés par le réseau qui s'appelle le CBN, qui est le Christian Broadcasting Network, qui est une chaîne du câble qui se revendique très explicitement chrétienne et qui a été fondée en 1960 par Pat Robertson, un télé-évangéliste protestant de confession baptiste, comme Terry Jones. Et puis, Pat Robertson appartient à un courant appelé ce qu'on appelle sioniste chrétien, qui pensent que la colonisation juive des terres palestiniennes et le rassemblement des Juifs en Terre Sainte sont une condition de retour de Jésus sur Terre. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs un numéro de là-bas si j'y suis consacré à ce sujet. Opposé à la séparation de l'Église et de l'État, à l'homosexualité et à l'avortement, Robertson est membre du Parti républicain, dont il fut un candidat malheureux à l'investiture pour l'élection présidentielle américaine de 1988. Dans son livre New World Order, il affirme que Juifs, francs-maçons, Illuminati conspirent pour parvenir à la domination mondiale. Pat Robertson a fait scandale en appelant à l'assassinat d'Hugo Chavez, mais aussi en affirmant que l'accident vasculaire d'Ariel Sharon était une punition de Dieu suite à sa décision de se retirer de la bande de Gaza en 2005. Vraiment très controversé, le gars. Il a aussi déclaré après un tremblement de terre en Haïti que les habitants de l'île étaient damnés pour avoir pactisé avec le diable au moment de leur révolte face à la présence française qui déboucha sur leur indépendance en 1804. Vous voyez un peu la mentalité de ce malade-là. Cette histoire concerne, comme je vous disais, environ 50 Américains, et puis pourtant, elle a fait le tour des médias occidentaux, a été relayée par les plus grands responsables politiques et religieux américains, si ce n'est la preuve qu'on essaye de monter une guerre de religion de toutes pièces. On va vers une confrontation avec l'Iran. Il prépare le terrain. Et tous ceux qui relaient l'islamophobie à la mode sont complices. Hein? On est en train de préparer cette guerre, de vendre cette guerre en Iran. On doit démoniser ces gens-là, on va les provoquer. Et puis, imaginez si vous aviez des musulmans qui avaient commencé à collecter des bibles, puis étaient pour le 11 septembre, commençaient à brûler des bibles ou n'importe quelle autre journée, de toute façon. Imaginez le tabac médiatique qu'on ferait avec ça, comment qu'on condamnerait ces maudits sales musulmans, entre parenthèses, excusez, c'est pas ce que je pense réellement, mais c'est, je veux dire, c'est la façon qu'on essaie de vous le présenter. Et imaginez le tollé que ça souleverait, c'est. Ah ben, t'en as un peu, chers auditeurs, je viens juste de me rappeler d'un fait assez incroyable. C'est bizarre, vous voyez, comme le biais étrange des médias quand je disais que c'est contrôlé majoritairement par des juifs, les médias américains. Ah ben, regardons ça, c'est bizarre. Il n'y a pas plus tard que, je crois que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, vous avez les liens qui vont être disponibles sur les nouvelles internationales. Ça a été rapporté par les journaux, ça s'est réellement passé. En Israël, vous avez des juifs, des extrémistes, des fanatiques qui ont en fait ramassé des bibles, en fait, je crois que c'est le Nouveau Testament, et puis ils les ont brûlés. Ah, ben, regardons ça. Avez-vous entendu parler de ça dans les nouvelles? Ben non, ça, c'est pas grave, ça. Donc, voyez un peu le biais qui prouve réellement d'où vient le biais, d'ailleurs, OK? Du traitement de toutes ces affaires-là dans les médias, comment qu'on essaie de démoniser l'Iran. Qui essaie de vendre la guerre contre l'Iran? C'est Israël, chers auditeurs. C'est Israël, OK? Alors, allez voir ça. Vous avez une vidéo du pasteur Terry Jones qui est interviewé par CNN. Vous avez différentes nouvelles. Vous avez Petraeus, le général Petraeus, qui est responsable, qui est le commandant responsable de l'armée américaine en Afghanistan, qui a averti que ce geste-là, s'il était exécuté, était pour mettre en danger la vie des troupes américaines. Ça, c'est évident. Imaginez ce que ça va faire. Vous voulez créer un conflit, vous voulez créer, mettre le feu aux poudres et puis créer des actes de terrorisme ou quoi que ce soit, ben continuez à faire ça. Ça, c'est parfait. Vous avez bien compris le chemin. Et puis c'est évident que vous risquez d'assister à une augmentation des attaques sur les troupes américaines et canadiennes, par le fait même, soyons honnêtes avec cela. Alors, voilà pour cette campagne de propagande incroyable. Et vous avez des citations. Ça, c'est un juif allemand, un poète qui s'appelle Heinrich Heine, qui a écrit il y a environ 2 siècles que ceux qui commencent par brûler des livres vont finir par brûler des gens. Et ça, on dit ça parce que non seulement, je veux dire, c'est une chose intelligente à dire, on sait aussi que ce chemin de la haine finit par mener, mais c'est aussi parce que ça s'est réellement passé. Eh oui, ça s'est réellement passé. Oh, qui est le dernier, d'ailleurs, capoté, débile mental, à brûler des livres comme ça, hein? Brûler des livres, pensez à l'idée, là. Je veux dire, c'est assez fucké comme histoire, là, OK? Qui a le dernier osé brûler des livres? Ben, comme je vous parlais, vous aviez des Israéliens qui ont fait ça. Et puis, la fois d'avant, c'était qui? Bah, ben, oh, c'était, regardons ça, les nazis avec Hitler qui s'amusaient à brûler des livres comme ça, hein? Eh ben, assez spécial. Donc, allez voir ça. Vous avez, comme je vous disais, beaucoup de nouvelles. Et puis, vous devez comprendre les 2 poids, 2 mesures. Il faut toujours inverser ces situations-là pour voir si ça se tient debout, puis voir si le traitement des médias ou le traitement des informations-là est juste ou si est biaisé. Imaginez si vous aviez, comme je vous disais, des musulmans qui brûleraient le Nouveau Testament, ou ben non, des juifs, comme je vous disais. Sauf que quand les juifs le font, ça, c'est pas rapporté par les médias, mais imaginez, je veux dire, est-ce que normalement, si c'était rapporté de façon juste par les médias, comment que les gens réagiraient quand que on voit des Israéliens brûler le Nouveau Testament? Ça, c'est des choses qui se sont passées, OK? C'est des Juifs orthodoxes qui ont brûlé le Nouveau Testament ça s'appelle, la ville s'appelle Or Yehuda, OK? Donc, allez voir ça. Vous avez toutes les nouvelles ici, vous avez les liens, ça s'est passé, c'est des choses qui se sont passées, OK? Et puis, ben là, on essaie de mettre le feu aux poudres, c'est bien évident. On va même plus loin que ça. Vous savez, en face de ce projet, en fait, qui n'est même pas une mosquée, c'est un centre culturel, vous avez des protestataires, des manifestants qui se sont pointés là avec des missiles qui ont été loués. Alors, on a loué, genre, un missile qu'on a mis sur un trailer, carrément. On a accroché ça derrière la voiture, et puis là, on circule, et puis on a pointé ce missile-là face à ce centre culturel islamique. Imaginez si vous aviez eu encore là des musulmans qui auraient pointé un missile militaire à une synagogue. Imaginez ce que ABC, CNBC, CBC, CNN auraient parlé, auraient fait de ça. Ça aurait été incroyable. Je veux dire, ça aurait soulevé un tollé débile. Mais là, parce que c'est des chrétiens sionistes ou des évangélistes ou quand c'est des gens qui font ça, ou que ce soit des juifs, ben là, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, c'est normal. Je veux dire, c'est la liberté d'expression. Il n'y a aucun trouble avec ça. Vraiment spécial, vraiment spécial. Les deux poids, deux mesures. On a une autre nouvelle dans cette veine-là, c'est les témoins de Jéhovah qui ont publié dans leur dernière publication un petit magazine hein, qu'ils ont pour attirer les gens à devenir des témoins de Jéhovah, hein, ces gens-là qui frappent à votre porte. Et je ne sais pas si ça se passe de même en Europe. Je serais bien curieux d'avoir un feedback là-dessus de nos auditeurs en Europe, savoir si les témoins de Jéhovah vont cogner à votre porte. Mais ici, au Canada, aux États-Unis, c'est incessant. Je veux dire, on a des témoins de Jéhovah qui viennent cogner à votre porte, qui viennent là, je dirais, à peu près 2, 3 mois. Vous les voyez apparaître, des fois, ils viennent même avec leur enfant, puis tout, ils viennent nous apporter la bonne nouvelle, tu sais. Ces gens-là qui viennent, finalement, ils ne sont pas capables de vivre tranquillement et en paix chez eux, en privé, leur religion, leur croyance. Il faut qu'ils viennent vous la vendre, hein, et puis plusieurs fois par année, comme ça, c'est un peu de l'exportation, ces gens-là. Ils font pas même d'import, mais ils font beaucoup d'exportation de leur idéologie, de leur dogme. Et puis, dans leur magazine qui vient d'être publié du mois, on a un thème assez spécial où on est en train de blâmer les athéistes. Et puis, on les blâme de quoi? Eh bien, on les blâme du fait que les athéistes ne gardent pas leur vue pour eux-mêmes, alors gardent leur vue pour leur consommation personnelle. Ces gens-là sont assez effrontés, vous voyez, ils viennent cogner à votre porte à 2, 3 mois comme ça pour essayer de vous vendre leur religion puis vous faire embarquer dans leur culte. Et puis, boum, après ça, ils se retournent de bord, puis ils ont le front de vous dire que vous, parce que vous ne croyez pas à ça, quand vous en parlez à d'autres personnes, là, c'est de la propagande, puis vous ne devrez pas faire ça, vous êtes vraiment des démons. Alors, allez voir ça, la revue Awake, c'est comme ça que ça s'appelle, Awake, vraiment incroyable, je veux dire. Petite parenthèse aussi, vous avez un dossier des tasers. D'ailleurs, vous avez trouvé un article sur sans papier sur les tasers, un article que j'ai mis à jour qui s'appelle les tasers armes mortelles et de torture. Alors, allez voir ça sur sans papier. Très intéressant. On continue à se servir de cette arme-là comme si c'était de quoi qui était moins mortel qu'un pistolet, qu'un fusil normal, alors qu'on continue à tuer des personnes par dizaines. C'est pas par centaines. Et puis, écoutez, je veux dire, ça continue, ça continue. Ici, vous avez une nouvelle qui parle d'un homme de 64 ans qui a été électrocuté chez eux par la police. Alors, ça, c'est arrivé en Californie. Vous avez une autre vidéo ici de la police de Seattle qui a utilisé un taser sur une personne et puis qui refusait de quitter son appartement et puis cette personne-là est morte. Le taser, ça cause des arrêts cardiaques. Et si ça cause pas des arrêts cardiaques, ben souvent, un coup que vous êtes électrocuté, vous tombez la tête la première sur le pavé, et puis c'est là que les gens se blessent et des fois se tuent là aussi. Vous avez une autre personne qui poursuit en cours le shérif de Marin qui a été électrocuté 3 fois alors qu'il se trouvait à la maison. Vous avez ici la police de Washington qui a tué une autre personne avec le taser. Alors ça vient d'arriver juste la semaine passée. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle de 96 morts qui sont reliés à l'utilisation du taser, OK? Donc 96 personnes qui sont décédées, qui sont sur la liste depuis janvier 2009. Alors, vous voyez que ces instruments-là sont loin, sont très loin d'être sécuritaires. Et puis, quand on dit qu'ils ne sont pas dangereux et surtout, en tout cas, moins mortels qu'une arme à balle, eh bien, ces nouvelles-là vous font réfléchir un peu, OK? Vous avez une autre nouvelle ici, un document PDF d'Amnesty International c'est un rapport en PDF qui date de 2008 où on avait déjà répertorié 351 morts, alors 351 décès qui sont reliés à l'utilisation du taser. Ça, ces statistiques-là, ils couvrent la période de juin 2001 à août 2008, OK? Alors, vous voyez, jusqu'à 2008, 351 personnes, 96 depuis le 2009. Alors, on est rendu à quoi, là, 400, pas loin de 500 personnes qui sont décédées aux États-Unis depuis 2001. OK? C'est quand même pas mal de personnes. Imaginez si ces personnes avaient été abattues par balle par la police. Là, on a entendu parler des médias, mais quand c'est fait par les tasers, on dirait que là, c'est acceptable. Alors, ça aussi, c'est des affaires dont il faut être conscient. Au Canada, on a plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées, dont le célèbre Dick Hensky à l'aéroport de Vancouver. Et depuis ce temps-là, les médecins ont déterminé que le taser, effectivement, peut être létal, OK? Donc, peut causer la mort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des détenus qui ont été ramassés par la police lors du dernier sommet du G20 au Canada, des personnes qui ont été arrêtées pour aucun motif raisonnable. On parle de 1 100 personnes qui se sont mises ensemble pour un recours collectif de 115 millions de dollars. Alors, très bon pour eux. Il est temps qu'on remette la police à leur place. Cet État policier est en train de se développer au Canada. Il est temps justement que par des actions comme ça, on se mette en route et puis qu'on résiste. Okay? Quand je parlais un peu plus tôt dans l'émission qu'il faut faire de quoi, ben, je veux dire, voilà des actions qu'on peut faire. Okay? Je veux dire, on n'a pas besoin de commencer à aller faire couler le sang dans les rues. Je veux dire, des actions qu'on peut faire, même des actions légales qui portent fruit et puis qui remettent le système à sa place. Parce que, je veux dire, eux autres, ils poussent, puis ils s'attendent à ce que les gens se laissent faire. Alors, quand on pousse de retour et on dit, écoute, là, t'as pas le droit de faire ça, là, arrêtez, là, ben là, à ce moment-là, ça fait réfléchir ces gens-là, vous comprenez? Parce que là, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, ces niaiseries-là. Quand on est rendu avec, vous savez, ce qu'on appelle en anglais des « Penury Weapon System », là, ça, c'est des systèmes à micro-ondes qui chauffent votre peau sous, qui chauffent en fait des molécules d'eau qui sont juste sous votre couche adipeuse, sous votre peau. Et puis, ben, c'est comme si finalement on vous passait au micro-ondes, OK? Et on utilisait ces armes-là contre les, entre parenthèses, entre guillemets, les ennemis au Moyen-Orient. Et puis là, oups, soudainement, ces systèmes de contrôle de la population sont utilisés contre les populations canadiennes, américaines et aussi en Europe, je veux dire. Alors, vous voyez, si on utilise ça contre les ennemis du Moyen-Orient et puis qu'on commence à utiliser ça comme contre les populations ici, ben, vous comprenez que la population, même ici à la maison, est considérée comme étant un ennemi d'État. OK? Alors, très bonne affaire, cette initiative de groupe de 1100 personnes. C'est fantastique, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission. Attendez pas qu'un héros ou un sauveur vienne tout régler pour vous. On est dans un moment particulier de l'histoire où il faut que tout le monde devienne un héros, il faut que tout le monde devienne un Superman. Je veux dire, c'est comme ça. Soyez les héros. Tout le monde doit être un héros. Je veux dire, il faut sortir de l'ombre et puis mettre le pied à terre et dire, écoutez, là, ça suffit, ces maudites niaiseries-là. Vous avez une personne d'une citoyenneté israélienne qui a été arrêtée à Los Angeles pour trafic d'humains. Alors, ça aussi, ça continue. On parle ici d'importation encore d'humains, de trafic d'humains. Et puis, oui, on est en 2010 et puis ça continue. Une autre nouvelle ici qui montre la psychopathie bien souvent des grands gérants d'entreprise. Vous avez ces Chiliens, vous avez sûrement entendu parler, ces mineurs chiliens, 33 personnes qui sont prises dans une mine. On parle à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et puis, le propriétaire de cette compagnie minière-là, a déclaré dans les nouvelles, ça a été rapporté par le Daily Mail, que les gens qui sont, les mineurs qui sont enfermés, ils sont pris sous terre, ne seront pas payés pendant le mois ou deux que ça va prendre pour les déterrer de là. Alors, vous voyez, là, ces gens-là ont tellement de conscience. C'est-à-dire, ils ont le cœur sur la main. Hein? C'est fantastique de voir ça. Ici, on va faire un petit dossier particulier. Je vais vous parler du recrutement militaire dans les écoles primaires qui est dénoncé. Vous avez une coalition qui s'est mise en place, une coalition qui lutte finalement, là, qui est contre le recrutement militaire dans les établissements d'enseignement, qui dénonce les nouvelles pratiques de recrutement de l'armée auprès des jeunes en bas âge. Alors, vous avez des syndicats d'enseignants, des associations étudiantes, des organismes citoyens, membres de la coalition qui condamnent spécialement les initiatives de recrutement dans les écoles primaires lancées à l'occasion du centenaire de la Marine canadienne. C'est assez alarmant ce qui se passe. Vous devez comprendre qu'on commence à manquer de chair à canon et puis on veut augmenter la grosseur des rangs ici, des soldats, des rangs de l'armée canadienne et on commence à aller faire du recrutement nulle part ailleurs que dans les écoles primaires. C'est assez écœurant de voir ça. Puis quand je dis écœurant, là, je cherche pas à blâmer les militaires. Vous savez, il y a tellement de bonnes personnes, j'ai même des connaissances, des amis que je connais qui ont déjà été militaires ou qui le sont, et qui ont un grand cœur. Ces gens-là pensent bien faire, défendre le pays, pensent vraiment qu'ils vont aller aider des populations étrangères. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'ils sont profondément trompés. Et on est victime d'une grande propagande. Les gens qui s'en vont combattre au Moyen-Orient, bien souvent participent à une entreprise criminelle plus que n'importe quoi. Il y a beaucoup de soldats qui, un coup rendu sur le terrain, s'en rendent compte. On interdit d'ailleurs, de la part du Pentagone, là, on interdit aux soldats américains d'avoir des blogs ou de consulter certains sites de nouvelles. On essaie de contrôler l'information au maximum parce que de plus en plus de soldats commençaient à s'ouvrir et puis à exprimer ce qu'ils pensaient par rapport à tout ça. Et puis la vérité finalement, et puis de comprendre que ils participent à une entreprise criminelle. C'est des guerres d'occupation, c'est des guerres d'agression et puis des occupations militaires qui sont non seulement illégales, mais immorales. On n'a pas d'affaires dans ces pays-là. On parle de l'Irak, d'Afghanistan, et puis on commence à être dans d'autres pays comme en Somalie, au Yémen, Pakistan. On veut partir une guerre contre l'Iran. Ce sont des guerres qui sont complètement illégales et immorales. Il y a plusieurs arguments pour défendre ça. Et on continue de tuer des civils. Si vous allez voir les nouvelles, je ne sais pas si on a le temps de couvrir ça dans l'émission cette semaine, mais je vais finir par faire un profil assez détaillé de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais vous avez encore des attaques de drones. Cette semaine, vous en avez eu six juste cette semaine au Pakistan, des drones américains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pilotés par des avions, là, c'est piloté par des avions, ils ne sont pas pilotés par des pilotes, des humains, c'est piloté à distance, comme des jeux vidéo finalement. Et puis on largue des bombes et on tue ce qu'on appelle des suspects, entre parenthèses, des suspects. Ça me fait capoter quand ils appellent ça comme ça. Je veux dire, ces gens-là ne sont même pas prouvés comme étant des criminels ou quoi que ce soit. On largue des bombes, bien souvent on tue des civils de façon complètement aléatoire, des vieux, des jeunes, des dames, des enfants. Je veux dire, c'est capoté, ben raide. On tue des dizaines de personnes comme ça à tous les mois, et puis après ça, on se demande pourquoi ces gens-là se radicalisent puis ils sont contre nos pays. Je veux dire, à un moment donné, imaginez si on était occupé pendant des années ici au Canada par l'armée afghane ou les Irakiens, tu sais. Comme je vous dis, bien souvent, les gens qui sont dans l'armée veulent juste bien faire, là. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous ces gens-là, c'est des écœurants, puis tout, là. Moi, ce que je cherche à faire, c'est finalement essayer d'élargir un peu la conscience et puis comprendre un peu ce qui se passe là réellement. Donc, là, ce dossier-là est assez intéressant. Je vais vous laisser tous les liens nécessaires pour aller lire les articles, parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'informations à aller trouver et à aller lire. Et puis, vous pouvez supporter ce groupe-là. C'est un dossier assez important. Alors, vous avez cette coalition-là, vous avez tous les liens là, que vous allez pouvoir trouver. Et vous avez des dossiers spéciaux. On parle du militarisme et puis les jeunes, les voies alternatives, trousse d'outils et de guides d'accompagnement. Alors, vous avez tous des trucs, là, même pour les professeurs qui devraient être au courant de ça. Parce que, petite anecdote ici, je veux dire, j'ai un ami à qui ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé. Il y avait les deux petites filles qui allaient à une école et puis les militaires, l'armée canadienne avait informé la direction de l'école qui était pour venir le lendemain matin faire une présentation. Et puis, on fait ça un peu à la dernière minute comme ça. Les parents ne sont même pas avertis, ou avertis tellement à la dernière minute qu'il n'y a personne qui a vraiment le temps de s'organiser. Et puis, mon ami et son ancienne copine avaient appelé la directrice pour avoir plus d'informations par rapport à ça, parce qu'ils se doutaient bien que l'armée ne venait pas juste rien que pour le fun comme ça, rien que pour le plaisir, mais venait pour faire de la propagande, vous savez, embellir, montrer seulement le beau côté des forces armées, engagez-vous, c'est tellement fantastique, blablabla, vous allez voir du pays. Et finalement, il s'est rendu compte en parlant que la directrice qui avait été les seuls parents à appeler, ça c'est incroyable déjà, c'est débile le nombre de parents qui sont complètement inconscients de ce qui se passe dans l'école. Quand vous avez l'armée qui vient parler à vos enfants, et puis les parents ne sont même pas avertis, et puis des fois ils sont avertis, et puis les parents ne prennent même pas la peine d'appeler, de poser des questions. Ça, c'est déjà toute une chose en soi. Mais ce qui est arrivé, c'est que la directrice finalement avait demandé au représentant de l'armée canadienne qui était pour faire la présentation de venir lui montrer cette présentation-là en premier dans son bureau, et puis l'armée finalement ne l'a jamais faite. Se sont présentés le lendemain en catastrophe, un peu en retard comme ça. Et la directrice a finalement décidé de les interdire, de leur refuser l'accès à l'école. Et puis bravo pour la colonne que cette personne-là a eue. Mais c'est pour donner un peu une anecdote, un exemple de comment ça se passe. Alors ces gens-là se présentent, ils se pointent et on n'avertit personne. Et tout d'un coup, zoup, on arrive, on fait des belles présentations. Vous devez comprendre que cela a des racines, et puis vous devez comprendre aussi cet agenda-là. C'est une industrie militaire, l'industrie militaire canadienne qui est en pleine expansion, en expansion fulgurante. En dollars ajustés, le budget de notre armée canadienne est à ce jour à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Canadiens ne sont pas vraiment au courant de ça, hein? Et ça continue de s'accroître à un rythme sans cesse grandissant. Quotidiennement, au Canada, plus de 55 millions de dollars sont dirigés vers l'armée, alors que cette nouvelle orientation canadienne entraîne des répercussions certaines au Moyen-Orient où nos soldats font la guerre. Elle transforme également nos communautés. Ça, c'est Communauté de presse. Alors, les informations que je suis en train de vous passer viennent de là. Allez lire le document complet. J'ai extrait les plus importants passages parce que je tenais à ce que ça soit diffusé. Mais comme je vous dis, allez lire les documents au complet. Alors, on poursuit. On peut facilement apercevoir dans l'espace public des publicités nous incitant à combattre avec les forces. Les milieux défavorisés et ceux fréquentés par la jeunesse sont régulièrement visités par ceux qui ont le mandat d'élargir les rangs de l'armée. Et cette tendance ne peut que continuer à s'intensifier, puisque les centres militaires de recrutement et de relations publiques continuent à bénéficier d'augmentations budgétaires astronomiques pour les prochaines années. Nous sommes la cible de publicités glorifiant le rôle des militaires et vantant les vertus de leur entreprise à l'étranger. Dans les journaux, à la radio et à la télévision, on nous montre régulièrement des analyses nous présentant les missions de nos soldats comme une nécessité, l'industrie de l'armement comme un lieu d'investissement légitime et la carrière de militaire comme un engagement humaniste. Quand il ne s'agit pas directement d'officiers en uniforme, ce sont habituellement des experts indépendants bénéficiant de millions en financement du ministère de la Défense qui nous adressent ce type de message. Peu importe leur titre, ces acteurs semblent tous valoriser des interventions militaires nécessitant des investissements considérables dont les marchands de canons et les grandes pétrolières sont les premiers à tirer profit. Nos dirigeants affirment que la lutte au terrorisme doit devenir la priorité de nos États et que l'on doit se doter des moyens nécessaires pour combattre la menace. On nous dit que la nouvelle vision plus agressive de la politique fédérale canadienne vise à nous protéger, à défendre nos valeurs et nos intérêts. C'est comme ça qu'on vend ça. C'est ainsi que le Canada a abandonné les missions de maintien de la paix pour participer à des conflits offensifs. Cette nouvelle orientation nous rapproche-t-elle réellement de l'idéal d'équité, de justice et de paix? Et puis ça, c'est un genre de voile, d'une illusion qu'on a, hein, du Canada, de ce pays qui était censé être un pays neutre, un pays qui représentait la paix, où on était investi dans des missions de maintien de la paix. Ce n'est plus, okay? Ce n'est plus le cas que le Canada a passé à une différente approche, une différente politique étrangère qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus militaire, où on mène la guerre directement. On n'est plus investi dans une mission de paix. Je crois que le budget canadien pour les opérations militaires en Afghanistan et mettons, je ne sais pas c'est quoi le budget juste dans une année, là. Les chiffres, par contre, le pourcentage, je sais, on attribue seulement qu'environ 5% du budget militaire aux missions de la paix, donc 95% de l'enveloppe budgétaire militaire en Afghanistan provenant du Canada est dédiée aux opérations militaires, des missions de combat, OK? Et je veux dire, ça, c'est des chiffres qui vous révèlent une triste réalité, c'est que le Canada n'est plus impliqué dans des missions de paix du tout. Il faut voir la réalité pour ce qu'elle est. Le recrutement à court terme de près de 50 000 nouveaux militaires est visé pour contrebalancer les départs à la retraite des boomers, en plus d'accroître de 25 000 les effectifs. Le nombre de recruteurs à l'échelle du pays a rapidement été multiplié dans l'espoir de rencontrer cet ambitieux objectif. Le général Rick Hellyer, le chef d'état-major ayant lancé cette campagne, explique bien le changement de cap. Et puis là, j'ouvre une citation. Monsieur Hellyer a déclaré que nous passons d'une approche de recrutement passive où essentiellement nous attendions que l'on vienne nous voir à une approche différente, davantage active et agressive. Il ajoute que chaque militaire doit contribuer activement à l'effort de recrutement, peu importe son statut. Et il cite encore, le recrutement est l'affaire de tout le monde. Je m'attends à ce que chaque marin, soldat, aviateur et ou aviatrice reconnaisse son rôle en tant que recruteur potentiel des forces canadiennes. Fin de la citation. Selon le général, la campagne de recrutement actuelle est également un outil pour provoquer un changement de culture au sein de la société canadienne et vise à faire accepter une présence plus grande du secteur militaire dans nos vies. Alors, voyez des informations très importantes dans un autre document qui s'appelle « Le recrutement à l'école, l'état de la situation » par la section québécoise de la campagne étudiante Opération Objection. Alors, on dit qu'il y a urgence de recruter et puis que la plus grande campagne de recrutement militaire canadienne depuis la Seconde Guerre mondiale est en cours. Lancée en 2006 par le ministère de la Défense nationale, cette entreprise colossale doit se poursuivre jusqu'à ce que soient rencontrés les principaux objectifs, c'est-à-dire d'augmenter la taille de l'armée de 20%. Les analystes militaires eux-mêmes reconnaissent que cet objectif ne pourra être rencontré avant plusieurs années, que la campagne de recrutement actuelle devra se poursuivre au-delà de l'échéance initiale qui était de 2011. Étiez-vous au courant de ça? Est-ce que les médias vous ont rapporté de ça? ces nouvelles-là. Est-ce qu'on vous rapporte ces nouvelles-là? On ne vous rapporte pas ces nouvelles-là. Ben non, on ne vous rapporte pas ces nouvelles-là parce qu'on est bien trop occupé à essayer de vous vendre la guerre. Okay? On est occupé à vous vendre le concept de la guerre et puis que tout est beau. On vous présente des généraux, des gens qui sont reliés au secteur de l'armement. Et puis, tout est fantastique. On est là pour aider les gens, les femmes, la démocratie. Ben oui, c'est comme ça qu'on aide les gens. Je veux dire, en répandant de l'uranium appauvri, en larguant des bombes, des drones et en tuant des centaines de civils par année. C'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. C'est vraiment. Ben oui, c'est comme ça qu'on exporte la démocratie. Vous avez plusieurs secteurs de l'éducation qui sont contre ça, et puis ça, on n'en a pas entendu parler, mais vous avez des revendications qui sont notamment partagées au Québec par les principales fédérations des syndicats des enseignants. Vous avez la FNEQ, la CSN, la CSQ et les principaux regroupements nationaux d'associations étudiantes aussi qui sont contre ça. Alors, vous avez plusieurs groupes qui sont derrière ça déjà, donc c'est juste une question de rendre ça encore plus public, c'est pour ça que j'en parle ici. Vous avez un autre paragraphe qui parle de nouvelles assez incroyables. Ici, on parle de la mythe, le mythe de la défense canadienne, qui, selon la croyance populaire, le Canada est mondialement reconnu dans le domaine des missions multilatérales de maintien de la paix à travers le monde. Ça, c'est le mythe, OK? On n'a qu'à penser à l'initiative des casques bleus des Nations Unies qui ont été fondées par l'ancien premier ministre Pearson au cours des années 50. Or, comme je disais un peu plus tôt, cette période d'engagement pour la paix est maintenant révolue. Depuis le début des années 2000, le Canada s'est massivement retiré des missions de l'ONU pour s'engager aux côtés des Américains dans des campagnes offensives. La paix n'est définitivement plus une priorité pour notre gouvernement et les ressources dérisoires qui sont consacrées peuvent en témoigner. Ce sont seulement 56 soldats qui sont maintenant engagés dans les missions des casques bleus, ce qui ne représente que 0,08% des effectifs de la force multilatérale. C'était 10% dans les années 80. Imaginez la baisse incroyable. On est passé de 10% à 0,08%. 56 soldats seulement de toute l'armée canadienne au complet sont maintenant engagés dans les missions des casques bleus. c'est affaire hallucinée. Donc, ici, on a un paragraphe qui parle du rôle des soldats dans le conflit afghan. Vous avez des indices de plus en plus nombreux qui portent à croire que le déploiement militaire en Afghanistan n'a rien à voir avec les belles intentions professées par les généraux. La démocratie et la condition des femmes n'ont fait que se détériorer et la lutte à la menace terroriste à l'intérieur de nos frontières n'est qu'un leurre. D'ailleurs, vous allez trouver des nouvelles par rapport à ça. Vous avez eu cette apparemment cellule qui voulait attaquer encore le Parlement, ou en tout cas, on a attrapé une cellule à Toronto. Et vous allez voir des nouvelles que la police est encore impliquée là-dedans, comme le dernier groupe où on avait la police qui avait donné le nitrate aux supposés groupes terroristes. Alors, on leur donne les outils, on leur donne les choses qui sont apparemment terroristes, le matériel, et puis après ça, on dit « Hey, regardez les méchants gars ». Alors, vous avez la police qui ont finalement échangé, je crois que c'est un genre de circuit électronique, et ça a été fourni carrément par la police. C'est après ça, on dit « Regardez ce qu'ils ont dans les mains, ils ont des pièces pour construire des bombes, des affaires de même. » Ben, c'est la police qui leur donne. Vous avez des nouvelles, allez voir ça. Donc, on fabrique, vraiment, c'est la stratégie de l'attention. On a souvent ici parlé sur l'autre monde. On maintient la population dans un état de peur volontaire. On crée des fausses menaces terroristes pour épeurer la population, justifier ces guerres-là, justifier l'état policier à la maison. Et puis, après ça, là, on se permet de mener des guerres partout. Hein? Donc, comme je vous disais, la démocratie et la condition des femmes n'a fait que se détériorer depuis qu'on occupe ce pays-là. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. La guerre en Afghanistan n'a jamais été autorisée par les Nations Unies, a été lancée par les États-Unis sans même l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le conflit afghan s'est déjà étendu sur une période plus longue que la durée de la Seconde Guerre mondiale, sans réel gain concret. Même le premier ministre Harper admet que nous n'allons pas gagner cette guerre en restant en Afghanistan. Il a d'ailleurs reconnu que l'Afghanistan a presque toujours connu des insurrections dans son histoire et qu'il est impossible pour une force étrangère à elle seule d'y instaurer la paix. Par ailleurs, l'ancien commandant des forces armées canadiennes en Afghanistan, le major général Andrew Leslie, affirme que, citation, « À chaque fois que vous tuez un jeune homme en colère à l'étranger, vous en créez 15 autres qui vous pourchasseront par la suite. » Ainsi, si on applique cette logique, on peut en déduire que la présence des troupes occidentales en Afghanistan ne permettra jamais de résoudre le conflit, mais seulement que l'attiser. Alors, c'est un fait. Vous savez, selon Human Rights Watch, plus de la moitié des membres du nouveau Parlement instauré par les Occidentaux sont liés à des groupes armés ou sont coupables de violations du droit de la personne ou sont impliqués dans du commerce de la drogue. Okay? Vous devez comprendre aussi que le trafic d'opium est passé d'une. Écoutez, là, on en avait presque plus. Les talibans, on avait complètement éliminé ou presque complètement éliminé la production d'opium dans le pays. Puis là, l'Afghanistan est le producteur mondial de l'opium. Okay? On produit 95 % de l'opium mondial en Afghanistan. Eh oui, alors c'est comme ça. Et puis c'est pour ça que les soldats canadiens vont là. Alors c'est pour défendre ça, défendre les pipelines et puis les projets impériaux de l'Empire anglo-saxon au Moyen-Orient. Vous avez un chapitre ici sur les véritables motifs de la guerre et puis vous avez un superbe résumé. Ici, on parle des raisons qui sont données aux Canadiens pour justifier la guerre en Afghanistan. Tout comme celles qui ont été utilisées pour l'Irak, qui ne tiennent pas du tout la route. Vous avez les motifs qui sont d'ordre politique et économique. L'Afghanistan qui a toujours été un endroit de convoitise en raison de sa situation géographique. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'être au cœur d'incessants conflits. Les empires britanniques et soviétiques ont à tour tenté de dominer le pays au cours du siècle dernier. Quiconque s'assure de contrôler les frontières afghanes se dote d'une grande influence sur le développement économique des pays avoisinants, que sont l'Iran, la Russie et la Chine, sans oublier l'Inde et le Pakistan. La plupart d'entre eux entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques tendues avec les États-Unis. Il est donc politiquement avantageux pour eux de contrôler l'accès aux ressources naturelles de l'Asie centrale. Les réserves de combustible fossile de la région de la mer Caspienne nécessitent un oléoduc qui, pour pouvoir être exploité par les entreprises occidentales avec un maximum de profit. Et là, écoutez bien ça, vous avez l'ancien premier ministre Jean Chrétien. Il s'est d'ailleurs assuré que c'est ce qui se produirait en participant personnellement aux négociations de la création d'un nouveau oléoduc transafghan. Il est curieux de constater que celui-ci se situe en grande partie de la région de Kandahar, là où les soldats canadiens mènent aujourd'hui leur mission. Hein? C'est là que les Canadiens mènent leur combat. Dans Kandahar. Ouais, ben, regardons ça. Depuis le 11 septembre 2001, le Canada contribue à bâtir le nouveau dogme de la lutte contre le terrorisme qui a remplacé la menace soviétique. Il permet de maintenir la mobilisation militaro-industrielle en Occident face à un ennemi qui peut en tout temps frapper n'importe où. La mission en Afghanistan est le cœur et l'âme de la mise en application de ce dogme de la menace et de la peur. Faire la guerre au Moyen-Orient est pourtant une démarche contre-productive pour lutter contre le terrorisme, puisque cela ne fait que semer le désespoir et attiser la haine. C'est un dossier assez troublant, OK? Vous avez ici un chapitre, de nombreux soldats de retour d'Afghanistan souffrent de troubles mentaux. On parle de 28 % des 2700 soldats des forces canadiennes examinés à leur retour d'Afghanistan montraient des symptômes d'un ou de plusieurs troubles mentaux, incluant la dépression nerveuse, les attaques de panique et les tendances suicidaires. Okay? Donc, pensez à ça, les soldats qui veulent s'engager puis aller combattre en Afghanistan. Si vous voulez le faire, au moins, essayez de trouver un vétéran, quelqu'un qui est allé sur le terrain, puis allez parler avec cette personne-là pour savoir le côté de la réalité, celui qu'on vous, on vous donne jamais. Mais vous êtes des adultes consentants. Là, ces malades-là de l'échelle en haut du top là, de l'armée canadienne, ok, ces gens-là, ces propagandistes-là, ils vont essayer de faire de l'enrôlement dans les écoles primaires face à des enfants, des jeunes écoliers, et on veut même cibler des enfants presque aussi jeunes que 6 ans, okay? Donc des gens qui sont même pas encore capables de réfléchir, qui n'ont aucun concept de la guerre, et puis de savoir les horreurs qui se déroulent là, et puis on leur fait miroiter de quoi de fantastique, regardez ça, wow, des armes, des fusils, wow, des tanks, hein? C'est tellement, les petits gars, ils aiment tellement ça, voir ça, et puis tranquillement, on est en train de les préparer, les faire entrer dans les cadets, hein? Vous avez les cadets qui sont financés, et puis influencés beaucoup par l'armée canadienne, alors on prépare les jeunes là-dedans. Vous avez le budget canadien militaire qui est près de 19 milliards par année. C'est le 13e plus important au monde. En dollars ajustés, le budget militaire est à son plus haut point depuis la Seconde Guerre mondiale. Il dépasse même le sommet atteint lors de la guerre froide. Les dépenses militaires auront augmenté de 37 % entre les années financières 2000-2001 et 2009-2010. All right? En moyenne, chaque foyer canadien débourse annuellement pour plus de 1 500 $ en impôts destinés à l'armée. Ben oui, vos impôts servent à payer ça. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de payer l'impôt. Le coût d'un seul hélicoptère de transport de troupes de type Chinook coûte 111 millions de dollars et équivaut au budget de fonctionnement annuel de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Imaginez. Le Canada a commandé 16 de ces hélicoptères en 2007. 13 % de ce que la population québécoise verse à l'armée pourrait abolir les frais de scolarité postsecondaire dans la province. L'achat de 6 frégates de type Halifax représente une dépense de 4,5 millions de dollars. Ce montant permettrait d'abolir les frais annuels de scolarité dans toutes les universités, cégeps et collèges du Canada au complet. OK? Alors, c'est des affaires très importantes. À travers le Canada, ce sont 50 000 jeunes qui sont embrigadés dans les corps des cadets de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Et puis, l'État canadien investit annuellement dans les cadets plus de 200 millions de dollars par l'entremise du budget du ministère de la Défense. Eh oui, badang! C'est comme ça qu'on enrôle les jeunes, tranquillement, on les prépare à obéir, à suivre les commandements. Le présent dossier sur le recrutement militaire dans les écoles démontre que l'armée canadienne ne se sent plus tenue de respecter les principes du consentement libre et éclairé avec les jeunes. Les parents ne sont pas informés de la venue des recruteurs. Le contenu de l'information véhiculée auprès des jeunes ne reçoit aucune validation indépendante. Personne ne s'assure que les jeunes consentent à être exposés à de tels discours et aucune mesure ne vient mitiger l'écart de pouvoir évident entre les recruteurs et les élèves. Les critères énoncés plus haut nous semblent former une bonne base de départ pour une discussion à cet égard. Il présente l'avantage de ne pas simplement réduire des clivages entre pro-militaires et anti-militaristes qui peuvent déboucher sur des dialogues de sourds. L'objectif est simple, énoncer clairement les standards de vérité et de pertinence sociale attendus par toute la communauté scolaire et filtrer les discours qui ne répondent pas à ces standards avant de mettre l'école au service de l'institution militaire. Un dossier très important, j'en parle ici sur l'émission parce qu'il faut avoir un débat là-dessus, un débat de société, à savoir si on veut accepter les militaires de commencer à faire du recrutement dans les écoles pour trouver les prochains soldats qui vont remplir les rangs de l'armée canadienne. Aux États-Unis, on accuse les vétérans, c'est assez incroyable, je veux juste donner une idée comment on traite les vétérans comme des trous de cul, excusez-moi le mot, mais je veux dire, pour ceux qui pensent qu'ils vont aller servir le pays, si vous pensez que vous allez être bien servi par votre pays par après, détrompez-vous. Aux États-Unis, on est en train de rendre coupables les vétérans, on est en train de dire que c'est des maudits connards, des sans-dessins, des salauds, parce que ces gens-là qui reviennent mutilés vont tirer leurs bénéfices de vétérans pour se guérir. Et puis là, on est en train de les accuser de dire que là, ces gens-là, ces vétérans de guerre-là, n'aident pas, sont en train de ruiner les États-Unis en retirant cet argent-là pour leur bénéfice de santé. Imaginez, c'est incroyable. Alors, vous allez vous battre au front, vous perdez vos jambes, la vie, vous revenez avec des problèmes mentaux. Et puis après ça, parce que vous utilisez votre argent pour vous guérir, on vous dit que là, vous êtes en train d'affaiblir votre pays, que vous n'êtes pas vraiment patriote. Hein? Ça, c'est des nouvelles, là, ça a été raconté, là, rapporté sur MSNBC. OK? Allez voir ça. Donc, voilà, on va terminer avec un petit dossier sur le 9-1-1 en vue de l'anniversaire qui s'en vient cette semaine. Alors, vous avez plusieurs vidéos importantes à aller trouver. Où c'est que vous voyez des nouvelles vidéos inédites. On voit des flashs, des explosions dans les deux tours jumelles. Alors, vous voyez vraiment des flashs d'explosions. On a aussi des vidéos où on entend les bombes exploser avant l'écroulement du World Trade Center 7. Alors, on a essayé de vous faire croire récemment qu'on avait fait des nouvelles études et puis que là, on avait complètement écarté toute autre possibilité que le World Trade Center 7 s'était écroulé finalement par un problème structurel alors que le feu aurait supposément ramolli la structure et puis le tout se serait effondré sur lui-même. Foutaise totale parce qu'on n'a même pas testé, on a complètement écarté la possibilité que ça aurait pu être détruit par démolition contrôlée. Alors, on n'a même pas testé ça, on fait juste l'écarter comme ça. Alors, parlez-moi d'une démarche scientifique, c'est vraiment incroyable. Alors, si vous voulez vraiment prouver que ça n'a pas été détruit par des bombes, alors prouvez-nous-le, au moins faites les études par rapport à ça. Alors, on ne fait pas les études par rapport à ça, on fait juste dire, oh, on ne va pas étudier ça. Alors, on fait juste étudier le scénario qu'on veut pour essayer de prouver son point de vue, c'est exactement ce qui se passe. Alors que vous avez des vidéos absolument claires où on voit des flashs de bombes partir. On entend aussi des bombes péter avant que le World Trade Center 7 s'écroule. Alors, allez voir ça. Vous avez des vidéos de témoins qui étaient dans les tours. Alors, c'est vraiment incroyable les nouvelles que vous allez trouver. Allez voir ça. Absolument important. Le 9-1 qui est un inside job, chers auditeurs, et puis on ne va jamais arrêter de propager la vérité par rapport à ça parce que, je veux dire, c'est justement un des motifs centraux pour lesquels on mène cette supposée guerre contre le terrorisme et puis qu'on est au Moyen-Orient, qu'on a tué plus d'un million d'Irakiens jusqu'à date et puis qu'on occupe militairement ces pays-là. OK? Vous devez comprendre ce qui s'est passé derrière le 9-1. Je crois que la plupart des auditeurs ici à l'autre monde sont conscients de ce qui se passe. Vous avez une vidéo d'un troisième avion qui volait dans le ciel lors du la journée du 9-1, un avion, probablement un avion militaire, un avion de surveillance qui était dans le ciel. On le voit très, très, très bien. Vous avez même plusieurs vidéos là-dessus. Alors, allez voir ça. Vous avez ici une vidéo des architectes et ingénieurs dont je fais partie. On est 1100 architectes et ingénieurs qui vous disent que ça a été détruit par, ces bâtiments-là ont été détruits par démolition contrôlée. On a parti une nouvelle publicité à New York, incroyable. On vous invite à donner justement pour qu'on passe cette vidéo-là dans les médias. La guerre, la guerre, hein, qui découle de ça, profite aussi beaucoup à Israël. Alors, vous devez comprendre qu'Israël se trouve derrière ça aussi. Alors, les services secrets américains, Mossad et la CIA se trouvent derrière ça. C'est une vidéo de justement pourquoi que l'armée américaine sait que c'est Israël qui est derrière le 9-1. Vous avez ici le département de la justice qui a déclaré aussi qu'on n'a pas rendu public toutes les évidences concernant le 9-1 au comité d'investigation. Alors, ben oui. Donc, voilà, c'est à peu près tout, là. On est en train de manquer de temps. Donc, allez voir ça. C'est très important. Comme je vous dis, je vous le répète encore et de plus en plus. Vous avez les services du renseignement libanais aussi qui ont découvert des liens entre le Mossad et le 9-1. Alors, c'est incroyable. Et puis, vous avez Glenn Beck, ce fameux ratoureux incroyable de Fox News aux États-Unis. Je veux dire, un propagandiste incroyable. Je veux dire. Quand tu dis que c'est une affaire d'inside job du 9-1, on dit, oh, mais là, vous avez aucune sensibilité pour les victimes, les familles des victimes du 9-1. Et puis, vous devez comprendre que c'est les familles des victimes du 9-1 qui ont poussé le gouvernement Bush à finalement ouvrir une enquête publique après, je sais pas combien de journées. Je pense que c'est au-dessus d'un an. Ça a pris à Bush pour ouvrir une enquête finalement. Et puis, c'est les familles des victimes qui l'ont poussé. Alors, maintenant qu'il n'y a plus moyen de se servir d'eux autres pour dire, oh, regardez, c'est tellement triste, blablabla, eh bien là, on est en train de carrément faire caca sur ces familles des victimes. Alors, vous avez Glenn Beck qui a déclaré carrément dans les médias qu'il commençait à haïr les familles des victimes du 9-1. Incroyable, incroyable, OK? Alors, c'est tout pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler du Moyen-Orient encore plus en détail. Ça brasse là-bas. Alors, il faut absolument parler du Moyen-Orient. Alors, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour l'Autre Monde. Ciao, la gang!